1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Mayday, mayday, mayday, mayday. J'ai demandé que l'on vienne m'aider. En direct du bunker, Arafat, Monsai, Khomeini, Joe Petchit, De Niro. Est-ce que vous nous entendez? Mayday, mayday, mayday.